Non, mais je dis pas que les grands groupes, si tu veux, les mecs, enfin, je dis pas qu'ils sortent tous, je veux dire, de, je sais pas, de Saint-Cyr, mais, enfin, non, surtout, je pense pas. Non, c'est de la musique hyper conceptuelle, quoi. C'est comme les musiciens de Queen, enfin, ils ont essayé de faire une musique hyper avant-gardiste, quoi. Enfin, en osant des trucs, si tu veux, que. Ben, des trucs assez uniques, quoi. Enfin, de. Très conceptuel, quoi. Mais Depeche Mode, j'aime beaucoup, et Rammstein aussi, enfin, c'est pas le problème. Mais je pense que Pink Floyd et Queen, enfin, surtout Pink Floyd, enfin, resteront plus longtemps. Moi, j'adore Queen, je suis fan de Queen. Mais, enfin, fan. J'aime pas trop ce mot-là, mais j'ai toujours écouté ça. Enfin, entre autres choses, mais bon. Bon, c'est. Ouais, je sais pas, je pense que la musique de Pink Floyd, bah, comme je disais hier, dans 1000 ans, on l'écoutera encore. Enfin, si on est encore là dans 1000 ans. Echoes comme morceau, ben je trouve ça extraordinaire. Enfin, là, je crois que c'est le son que Tone essayait de faire au début. La démarche de ce jeu du Queen, enfin c'est énorme, parce que je pense que c'est un défi. J'ai jamais joué un morceau de Queen au groupe. Ouais, enfin Bohemian Rhapsody, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est inégalé, mais je crois qu'il y a eu des centaines de pistes de chant. Donc, un boulot de studio énorme en fait en live. Moi, des lives de Queen, bah, si toi t'aimes beaucoup Queen, t'as dû en écouter aussi. Moi, je les ai jamais entendus chanter la partie opéra. Tu vois, la partie opéra de Bohemian Rhapsody, en fait, ils la coupent toujours cette partie-là. Ou ils la mettent en fond, en backtrack, quoi. Pour le public, quoi. Et Freddie Mercury chantait pas exactement pareil en live, même pas du tout, quoi.